avec ses vêtements ondoyants et nacrés. Même quand elle marche, on croirait qu'elle danse, comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés, au bout de leurs bâtons, agitent en cadence. Comme le sable morne et l'azur des déserts, insensibles tous deux à l'humaine souffrance, comme les longs réseaux de la houle des mers, elle se développe avec indifférence. Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, et dans cette nature étrange et symbolique où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, où tout n'est qu'or, acier, lumière et diamant, resplendit à jamais comme un astre inutile la froide majesté de la femme stérile.